Au cœur de l'hiver, oscillant entre grisaille et chape de plomb, filtrant la lumière toutes les 45 mesures, la réalité est 2B. Les échos fériques, les matins chromés, les soirées métalliques, oxydées, mangées par les têtes froissées par les roulements mécaniques des machines, du temps, de la ville. On attend le retour des beaux jours. Kosmische Kassette. Die Erinnerungskasse heil. Je m'active, je pédale dans la ville à la recherche de la prochaine nuit à égrener. Je reviens les mains pleines, j'ai froid, et je reste debout pour contempler mon étagère qui déborde de cassettes. Cosmique cassette. Une émission mixée avec des cassettes. Beaucoup viennent de quelques rades des quartiers voisins. D'autres ont voyagé dans les valises à côté des machines qui les ont faites. D'autres encore ont transmigré à travers la Wi-Fi. Ce sont des souvenirs, des coups au cœur, des bouteilles dans le cosmos. La première de ces trésors vient de Buenos Aires, éditée par Pacapi Records, et ce sont eux qui ont trouvé Cosmic Cassette et m'ont réchauffé le cœur. Notre musique traditionnelle andine et produits synthétiques, c'est la psychotropia, la bien nommée Nueva Música de América del Sur. Thank you. congés, les cactus, les trucs, les plantes. Enfin, j'avais le. Tu sais, la gerbe, t'as la gerbe tout le long, tu vois. Ah, sans le cactus. Putain, mais ça, j'arrive, tu sais, je me dis, mais. Putain, ça donne pas du tout envie. Ah, mais non, mais ça fait partie du trip. Ouais, c'est ça, que, c'est ça qui est chiant. C'est vraiment une mise à l'épreuve autant. Ouais, mental, c'est ça. Ça. C'est vrai, ouais, que physique, quoi. La plupart des gens vomissent. Et du coup, tu perds tout. Tu perds. Tu t'es foutu. Non, t'en reprends après. Ah bon, bah. Non, mais tu perds. C'est comme nous deux. Ouais, j'ai accepté, mais. Cet extrait enregistré dans une cabane à l'abri du froid hivernal de San José del Pacifico. On écoute Floris Van Hoof, un extrait de la face A qui porte un titre trop long que je n'arrive pas à saisir. Peut-être parce que c'est un humour trop subtilement anglais. En tout cas, j'ai bien compris qu'il y a plusieurs manières d'écouter les 4 pistes de cette boîte magique. Malheureusement, nous sommes en monodiffusion et je n'ai qu'une seule enceinte. Ensuite, ce sera au tour de Luca Sigurta, qui est venu jouer aux ateliers Sumo lors du Bruit Amour 3. La cassette qu'il m'a vendue est le résultat d'une installation constituée de magnétos et de boucles, de bandes, collées, coupées au hasard. Tangle, c'est le titre, édité chez Doculo en Italie en 2015. cosmique cassette. Franck Gérard lors de sa release party à Groove Edge en janvier 2015. Sa première cassette est sortie chez Groove Edge Records, leur première sortie aussi, risographiée quelques rues plus loin. En fait, j'ai eu cette cassette en échange de cassettes vierges, ma réputation m'avait précédé. N'ayant pu faire jouer Lambert et Meggy à Lyon, l'esprit coupable, j'ai fui le 15 janvier à Grenoble. Surprise, j'y retrouvais la bande toulousaine. Deuxième sortie, c'est le triangle noir du Quercy. On écoute le titre Place de Derine Golem. Thank you. Cosmic Cassette. Cosmic Cassette. Fumée volume 1, c'est le titre de la cassette des Maîtres Fous. Formation d'improvisation variable, vue au Périscope à Lyon. Gilles Vigne m'a offert cet été cette cassette de Nava Spatial, sortie chez Underground Pollution Records. Noismatics volume 4 se veut une critique du monde électrique et à la fois un voyage méditatif fait avec des sources enregistrées dans la nature et des triturations électroniques s'adressant aux deux hémisphères du cerveau grâce aux ondes alpha. Ils prétendent développer leurs expériences depuis le triangle des Bermudes. On écoute un extrait de Sonic Journey Through Consciousness. Thank you. cassette de vide-grenier, une face B, polyphonie Mongo du Congo, copiée sur une cassette France Loisir. Factory chez Ayad and Accident Records aux USA, qui sera suivi de Head Scan de chez Infinite Waves, deux acquisitions apportées par Ex Vinilo, disquaire à Rabastins. Thank you. suis allé voir Tamara Goukasova à l'Oblique à Lyon parce que le vendeur de balades sonores à Paris m'avait conseillé sa cassette de chez Alpage Records. Je n'ai pas été déçu de ce voyage atmosphérique autant sur bande qu'à l'Oblique. Terminons notre voyage avec une publication Volonté Discos, label argentin de rock psyché. J'étais à Bruxelles, je dansais avec Luna sur de la dance de moins en moins glamour quand Eric Kinney, discrètement, a transpercé l'espace-temps pour faire surgir Isla de los Pensamientos de Nueva Costa. C'est la révélation. Je n'ai pas revu Eric de la nuit, mais ce morceau était gravé dans mon esprit comme un commandement sur une tablette d'argile. Eric, je te remercie de m'avoir ouvert les oreilles. Puisque les yeux ne servent à rien quand Faustine et les fantômes hantent l'île des pensées. Thank you. cassette. Now try the game yourself. Oh, yeah. Oh, yeah.